بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le dimanche 12 du mois Al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 30 juillet 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble ces réflexions ou ces cours au sujet de l'athéisme. On a terminé de parler de la théorie de Darwin sur laquelle s'appuient les athées qui prétendent que l'univers n'a pas de créateur. Et on va revenir dessus, sur leurs hypothèses. L'univers a été créé lui-même, l'univers a toujours existé, est éternel, malgré que cette hypothèse, il y a très très peu d'athées qui la soutiennent aujourd'hui. Ça, c'est surtout l'ancien athéisme des philosophes d'Athènes, des Grecs. C'est eux qui pensaient que l'univers était éternel. Aujourd'hui, la science moderne a prouvé que l'univers a bien eu un début. Et ils ont daté son début à peu près 14 milliards d'années. 13,7 ou 8, très exactement. En tout cas, pour la plupart des scientifiques aujourd'hui, l'univers a bien eu un début. Donc, il n'est pas éternel. Et donc, ça annule l'ancien athéisme. C'est pour ça, aujourd'hui, ils appellent à l'athéisme moderne. Et cet athéisme moderne, il est de plusieurs écoles et de plusieurs courants. Et ceux qui prétendent que l'univers n'a pas de créateur, ils s'appuient principalement sur la théorie de Darwin. Et nous avons vu ensemble que cette théorie n'a rien de scientifique, car les athées, ils ne croient qu'en la science expérimentale. Ils ne croient qu'en la science expérimentale. Et qui a pu expérimenter ce que Darwin a avancé? Que ce soit cette cellule mère appelée LUCA, qui est à l'origine de toutes les formes de vie existantes sur Terre, qui a pu tester cela? Qui a pu tester la mutation? Qui a pu tester la sélection? Et comment démontrer cette mutation et qu'il y a eu des étapes intermédiaires? Et aujourd'hui, on n'a jamais trouvé des fossiles d'aucune étape intermédiaire. Alors que Darwin, dans son livre, il dit « Si ma théorie est valide, on devrait trouver un nombre indéterminé de fossiles d'étapes intermédiaires. » Car ce n'est pas possible que toutes les mutations ont été réussies. Ce sont des mutations aléatoires et hasardeuses. Forcément, il y a eu énormément d'échecs avant d'arriver à une mutation réussite. Et la science, elle démontre que même cette question de mutation est erronée. Car tout se transmet par l'ADN, le code génétique que chacun possède et qui contient toutes les informations concernant cette espèce. Et aussi, comme on a vu, 99% des mutations sont néfastes et sont nuisibles. C'est rare qu'une mutation donne lieu à une amélioration. Les mutations donnent lieu à des déformations, à des problèmes, et ainsi de suite. Donc, après, il y a une autre catégorie d'athées qu'on appelle les déistes. c'est-à-dire les athées qui croient en l'existence d'un Dieu ou d'une puissance suprême, supérieure, qui a tout créé. Car pour eux, c'est pas possible que cette perfection, cette structuration, cette organisation, cette complémentarité, cette harmonie et cette beauté dans les créatures, c'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Et l'ensemble de tout ça soit un hasard, on a vu que yani, l'hypothèse ou la probabilité pour qu'une protéine soit créée suite à des réactions hasardeuses et aléatoires, c'est quasiment impossible. Juste pour ne pas dire impossible, mais mathématiquement, on dit impossible du moment qu'on dépasse 10 puissance 50. Selon les mathématiciens, la probabilité quand elle dépasse 10 puissance 50, c'est-à-dire 0,4901, ça c'est une hypothèse impossible. Et l'ADN, c'était une hypothèse de 10 puissance 4000 ou quelque chose comme ça. Donc dans la réalité, c'est impossible. On parle d'une protéine à l'intérieur d'une seule cellule. Alors, que dire du reste? Donc, il y a cette autre catégorie d'athées qui sont les déistes. Eux, ils reconnaissent qu'il y a un créateur ou ils l'appellent autrement. En tout cas, ils reconnaissent que c'est pas possible que toutes ces créations, cette variété de créatures, tout ça soit le fruit du hasard. Donc, il existe bien un créateur. Et comme on avait vu, je ne me rappelle pas quel scientifique avait dit cela, mais j'ai oublié aussi la citation. Donc, ces déistes, le point central sur lequel il s'appuie pour ne pas croire en ce Dieu et pour ne pas se soumettre à lui, le point principal sur lequel il s'appuie, c'est ce qu'on appelle le problème du mal ou le dilemme du mal. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas compris la raison pour laquelle ils sont sur Terre. Et ils n'ont pas compris les caractéristiques du Dieu. Et ils ne croient pas également qu'il y a une vie après la mort. C'est ça qui les pousse vers cette forme d'athéisme. C'est aussi une forme d'athéisme. Donc ils vont renier le Créateur. Et ce point axial sur lequel il s'appuie, c'est le problème du mal. Pourquoi? Parce que pour eux, s'il y a autant de mal, et d'injustice dans notre monde, pourquoi ces enfants sont tués, ces enfants innocents? Pourquoi tous ces crimes? Pourquoi toutes ces injustices? Pourquoi toutes ces souffrances? C'est pas possible qu'il y ait un Dieu bon et aimant et qui laisse et qui est omniscient, c'est-à-dire il sait toutes choses et qui est omnipotent, capable de toutes choses. Il peut arrêter ce mal. Et pourtant, et qui est aussi clément et miséricordieux et aimant et bon, il laisse faire toutes ces souffrance, toutes ces douleurs, toutes ces tristesses, toutes ces injustices, tous ces meurtres, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de Dieu. Ou bien, comme a dit Nietzsche, le Dieu est mort. Il a abandonné sa créature. Il l'a créée, après il l'a abandonnée. Donc ces gens-là, pourquoi ils tombent dans ce piège? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas pourquoi, ils n'ont pas compris pourquoi ils sont sur terre. En réalité, ce qu'ils veulent, un paradis sur terre. Ils veulent le paradis sur terre. Et là, peut-être ils vont croire. Si Dieu leur donne le paradis sur terre. Alors que sur terre, on est là pour une épreuve. C'est un test, c'est un examen. Tu vas pas te plaindre de l'injustice de l'enseignant parce que dans l'examen, il y a des difficultés. Justement, la présence de ces difficultés qui vont montrer les différences entre les étudiants et qui a fourni des efforts et qui ne l'a pas fait. La sagesse implique qu'il ne faut pas mettre au même point d'égalité ceux qui ont fait des efforts et ceux qui n'ont rien fait. Ils sont venus, ils ont rempli leur feuille d'examen et ils veulent avoir tous le même résultat. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas une équité. Et c'est pas une sagesse. Donc, la présence de ces souffrances et de ces difficultés, ça fait partie de l'épreuve sur terre. Car notre vie sur terre, c'est une vie temporaire. C'est une vie temporaire. Et s'il raisonnait bien, ces injustices qu'il voit sur terre, c'est une des preuves sur l'existence de Dieu et sur le jugement après la mort et la résurrection après la mort. Un Dieu aussi parfait, aussi omniscient, aussi omnipotent, qui a créé tout ce qu'on voit. Est-ce que les criminels, ils vont s'en sortir sans payer leurs crimes et sans être punis sur leurs crimes? C'est inimaginable. Et ça s'oppose à la sagesse divine. Et aussi, faut savoir qui est Dieu. Dieu, c'est pas un distributeur automatique. Car les athées, ils s'imaginent, ils n'ont pas compris la notion de Dieu. Ils s'imaginent que le Dieu, c'est comme un distributeur automatique. T'appuies sur un bouton et ça te donne ce que tu veux. La boisson souhaitée, froide, chaude. Et tu choisis tout ce que tu veux et il suffit d'appuyer pour l'obtenir. Ils veulent un Dieu comme ça. Ou un Dieu comme un robot, tu le programmes et il s'exécute à tes ordres. Il fait tout ce que tu lui demandes. Ou un servant à ton service, également qui fait tout ce que tu lui demandes. C'est comme ça qu'il s'imagine le Dieu. Ça ne serait pas un Dieu. Dieu, il est transcendant. Il est le maître par excellence. Et nous, on est ses serviteurs. C'est lui qui décrète et qui ordonne. Et nous, on s'exécute. Et non pas l'inverse. Sinon, ça ne serait pas un Dieu. Le Dieu tout-puissant et le Dieu sage, il sait pourquoi il a créé ces choses-là. Pourquoi il y a ce mal-là? Et on avait commencé justement à citer des explications à la présence du mal. Donc, on est là pour une épreuve et un test. Et après cette épreuve, il y aura un jugement et des comptes à rendre sur le plus petit détail que tu as fait dans ta vie. Sur toute chose, sans exception. Et celui qui était bienfaisant et qui s'est conformé aux ordres de son créateur, il sera récompensé. Et celui qui a désobéi, il sera puni. Ça, c'est la justice. Et ça, c'est l'équité. Le monde duquel parlent les athées, il existe bien ce monde-là. Mais c'est pas sur terre. C'est le paradis. Dans lequel il n'y a aucune injustice, il n'y a que le bien, et aussi il y a une demeure dans laquelle il n'y a que le mal. C'est l'enfer. Mais le bas monde, il est fait d'un mélange des deux, pour qu'il y ait les preuves. Et justement, Allah, ton créateur, t'a laissé ce libre choix. Regarde, tu choisis de croire comme tu peux choisir de ne pas croire. Il t'a laissé ce choix. Il t'a laissé un libre arbitre. Et il a mis en toi tous les outils nécessaires pour arriver à croire en lui et avoir foi en lui. À une seule condition, je la répète toujours, pour son importance. Et avant de commencer une discussion avec un athée, explique-lui ce point fondamental, qu'il doit chercher la vérité, et uniquement la vérité, et la suivre partout qu'elle soit. Si la vérité est dans l'islam, il la suivra. C'est pour ça que nous avons énormément d'histoires de personnes qui ont demandé à Allah d'être guidés. Sincèrement, ils étaient guidés. Allah t'a donné une raison qui te permet d'arriver à la vérité. Il a mis en toi des convictions et des lois physiques qui te permettent d'arriver à la vérité. Également, il a mis en toi des intuitions et des instincts et une nature humaine saine. Tout ça pour t'orienter vers la vérité. Donc l'homme est capable d'arriver à la vérité à la condition qu'il mette de côté ses envies et ses passions et qu'il soit uniquement dans la quête de la vérité. Wallahi, et je jure par Allah qui a créé toute chose, que celui qui veut vraiment la vérité et la guider, Allah le guidera. C'est pas possible de penser autrement. Celui qui veut sincèrement la guider, il ne pense pas à la famille, la société, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. C'est ça qui empêche beaucoup de gens de suivre la vérité. Ou, yani ça peut être des paramètres extérieurs, comme ceux que je viens de citer. Ça peut être des paramètres et des facteurs intérieurs, comme l'orgueil. Et quand vous lisez ce que les philosophes disent à ce sujet-là, c'est des divinités qui parlent et non pas des hommes. Non pas des hommes qui ont été créés à partir d'une goutte, d'un liquide. C'est pas des hommes qui ont en permanence à l'intérieur d'eux ce que tous on sait, jusqu'à ce que Allah leur permet d'aller s'en débarrasser de ces déchets que nous portons en permanence en nous. Et quand nous mourons, tous on sait comment on devient. L'homme, il doit se rappeler de son origine et de sa fin également. Et quand t'entends des scientifiques qui ne croient pas en Dieu parler, et tu compares à des scientifiques qui croient en Dieu, tu vois un écart immense. Tu vois l'humilité et la modestie chez le savant croyant. Même si c'est dans la même spécialité. Même si c'est dans la même spécialité. Car quand il y a la science de la religion, avec les sciences mondaines, ça augmente ton humilité et ta modestie. Et il devient humble, contrairement à celui qui ne croit pas. Et pour lui, la vie, la mort, c'est la fin de son existence absolue. Il n'a que l'orgueil et la fierté. Et je vous avais déjà cité la parole de Nietzsche, qui disait que l'humanité est dans le désespoir et elle n'a aucun espoir qu'à travers sa personne à lui. Vous imaginez, pour qu'un homme parle avec des choses comme ça, cet homme a fini fou, totalement paralysé, avec des maladies nombreuses et très graves, toutes. Et heureusement pour lui, comme j'ai dit, qu'il a trouvé sa sœur qui s'est occupée de lui. Donc, nous allons continuer à parler de ce problème du mal, mais avant de poursuivre, je vais, comme d'habitude, vous citer quelques citations. Un scientifique qui s'appelle Czaszło Miłosz, un prix Nobel, dans « Discreet Charm of Nihilism », il a dit « Le vrai opium du peuple, c'est de croire qu'il n'y a rien après la mort. » Il a dit « Le vrai opium du peuple », ça c'est en réfutant ceux qui disent que l'opium du peuple, c'est la religion. Les marxistes notamment, qui ont eu cette parole. Les suiveurs de Karl Marx. Il a dit « Le vrai opium du peuple, c'est de croire qu'il n'y a rien après la mort. » Et ensuite, il a dit « Grand deuil dans le fait de penser quand on sera... qu'on ne sera pas jugé sur nos trahisons, notre courage, nos peurs, nos meurtres, qu'on ne sera pas jugé sur cela. » Vous imaginez si l'homme il pense qu'il ne sera pas jugé. Qu'est-ce qui l'empêchera de commettre des crimes? Richard Dawkins, qu'on peut appeler l'imam de l'athéisme de notre époque, un Américain très médiatisé, il dit dans son livre « River out of Eden », une rivière en dehors de Eden, yani Jannat Aden, le paradis d'Eden. Il dit « La nature n'est pas cruelle. La nature n'est pas cruelle. » Après avoir parlé des cruautés qu'on peut observer, des injustices, des souffrances, des malheurs, il a dit « En réalité, la nature n'est pas cruelle. C'est seulement une indifférence totale sans pitié. » Ça, c'est une parmi les leçons les plus dures que nous devons apprendre. Que la nature, c'est une indifférence totale sans pitié. Tu dois croire en cela. Et c'est une leçon à tirer. Ensuite, il a dit, nous ne pouvons pas admettre que les choses doivent être bien ou mal, doivent être cruelles ou gentilles. Mais, seulement cruel, avec une indifférence à toute souffrance, sans aucun but ni objectif. » Fin de citation. Le célèbre physicien, le très grand athée, Lawrence Krauss, il dit dans son livre « A Universe from Nothing », un univers à partir du néant. Il dit « L'univers est ainsi qu'on aime ou qu'on n'aime pas. L'existence ou l'inexistence, l'univers est ainsi qu'on soit d'accord ou pas. Il est cruel. » Ensuite, il a dit, l'existence ou l'inexistence du Créateur n'est pas dépendante de nos envies. Un monde sans Dieu, sans but, peut paraître cruel ou sans intérêt, mais ce point n'implique pas l'existence d'un Dieu. Il reconnaît que l'inexistence de Dieu implique ces choses-là. Une cruauté, une vie sans but, sans objectif, sans intérêt, mais c'est pas pour autant qu'il va reconnaître le Créateur. Et je termine avec une citation tirée d'un livre qui s'appelle What We Believe, What We Cannot Prove. C'est une série de questions qui a été posée à des athées célèbres et ils ont noté leurs réponses. Cette question a été posée à Richard Dawkins. Ils lui ont dit: quelles sont les choses auxquelles tu crois et que tu ne peux pas prouver? Ce qu'on s'attend de la part de l'imam de l'athéisme, c'est qu'il dise: il n'y a rien auquel je crois et que je ne peux pas prouver. Je crois en la science expérimentale et je ne crois qu'en les choses que je vois. Je ne crois pas au monde invisible. C'est d'ailleurs pour ça que je ne crois pas en Dieu, parce que je ne l'ai jamais vu. C'est comme ça qu'il doit répondre. Mais ce qui est étonnant, écoutez bien sa réponse. Il a dit: je crois que chaque intelligence, chaque créativité, chaque design, en anglais c'est comme ça, chaque design, partout dans l'univers, est la conséquence directe ou indirecte d'un processus simultané qui correspond à ce que nous appelons la sélection naturelle de Darwin. Il croit que toute cette beauté, toute cette intelligence, toute cette créativité, tout ce qu'il voit autour de lui, il croit ce n'est que le fruit de la sélection naturelle de Darwin. Mais ça, c'est vraiment choquant de sa part. Comment une sélection naturelle, selon toi et selon Darwin, qui permet la survie à l'espèce la plus forte et la plus adaptée à son environnement et la plus apte à continuer la vie, comment elle va laisser une chose par rapport à son intelligence ou par rapport à sa beauté? Bien évidemment, il cite ça dans les points auxquels il croit et qu'il ne peut pas prouver. Il ne peut jamais prouver ça. Ça, c'est quelqu'un, il sait ce qu'il dit. C'est pas comme ce qu'un frère m'a rapporté. Une personne lui a dit, athée, quand il l'a appelé à l'islam, elle lui a dit: non, l'islam, il est suivi par ces pays arabes et ces pays dans lesquels il y a l'islam, parce qu'ils sont encore arriérés. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas voyagé. Ils pensent que, par exemple, au Maroc, on est encore sur le dromadaire, on met la bougie, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de voiture. Il y en a vraiment, j'en ai rencontré. Des gens qui pensent comme ça. Donc, pour elles, c'est... Yani, je peux pas croire en l'islam. Et elle essaie d'expliquer pourquoi les gens suivent l'islam. Parce que c'est des gens qui sont pas modernisés et qui n'ont pas connu la science et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils sont sur l'islam. Nous, on a dépassé ce stade. On a évolué. On s'est modernisé. On peut pas croire en cette religion. Moi, je lui pose la question. Quel côté de la modernité que toi t'as dans ton quotidien que moi je n'ai pas? T'as un téléphone, j'ai un téléphone. T'as un PC, j'ai un PC. Et je maîtrise peut-être beaucoup plus de choses que toi de la modernité que peut-être t'as jamais vu. Et je parle d'un exemple que moi, yani, avec un niveau modeste. Que dire des musulmans qui ont des niveaux très élevés dans les sciences mondaines? Et ça, c'est quelque chose qui mérite même pas d'être réfuté. Lakin, ce qu'on est en train de réfuter, c'est les paroles et les propos et les ambiguïtés d'hommes intelligents, mais qui se servent de leur intelligence pour égarer les autres. Donc, il croit que toutes ces choses-là sont le fruit du hasard et de mutations hasardeuses et aléatoires. Mais ça, il ne peut pas le prouver. Et ensuite, il a dit, ceci implique que l'organisation et l'ordre dans l'univers est venu après l'évolution de Darwin. C'est-à-dire, il y a eu toute cette anarchie, tous ces phénomènes aléatoires, et après, ça a commencé à se structurer et à se développer jusqu'à ce qu'on a eu des membres comme l'œil, et un membre comme le poumon, et un membre comme le cœur, cette pompe avec un fonctionnement incroyable. Et bien, idnillah, si Allah nous le permet, on va essayer de revenir sur ces systèmes rien que dans le corps de l'être humain et prendre un aperçu afin de comprendre à quel point c'est merveilleux le fonctionnement de tous ces systèmes extrêmement complexes. Vous imaginez, il y a beaucoup de phénomènes dans notre corps et dans nos systèmes qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui, qu'on ne comprend pas, notamment dans le système immunitaire et dans son fonctionnement. Donc ça, c'est parmi les points que Richard Dawkins, les points auxquels il croit, mais qu'il ne peut pas prouver. Donc c'est une foi en l'invisible. Après, il vient critiquer le croyant. Pourquoi tu crois? Pourquoi tu as une foi en l'invisible? Moi, j'ai une infinité de preuves sur l'existence de mon Créateur. Toi, t'es aveugle, tu les vois pas. Moi, chaque chose que je vois devant moi, c'est une preuve de son existence. Car chaque créature a un Créateur. Et personne n'a jamais prétendu avoir créé quoi que ce soit. Il n'y a que Allah. Donc, nous continuons avec ces points qui concernent le problème du mal. Les athées, quand ils prétendent que le mal qu'il y a dans notre monde n'a aucun intérêt, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter d'eux. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait d'ignorer les intérêts et les profits d'un phénomène ne veut pas dire que ce phénomène n'en a pas. L'ignorance n'est pas une science. Si tu ignores l'intérêt du coccyx, va demander aux hommes de science, les spécialistes dans ce domaine. Si tu ignores l'intérêt de l'appendice, va demander aux spécialistes et ils vont t'informer. C'est pas parce que tu es ignorant que tu vas prétendre qu'il n'y a pas de profit ni d'intérêt. Et pour prendre un exemple très simple, si tu vois deux hommes qui tiennent un enfant à deux et qui sanctionnent, ou là prenons quelque chose de plus clair, si tu vois deux médecins qui tiennent un enfant et qui sont en train de sanctionner sa jambe, est-ce que tu vas dire tout de suite, ce sont des criminels, ils sont en train de lui amputer la jambe? Ou tu vas te dire peut-être que ces deux médecins sont en train de lui faire une opération nécessaire pour sa vie. Peut-être que s'ils ne sanctionnent pas ce membre, ça va être la cause de sa mort. C'est pour ça, le fait d'ignorer les sagesses ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et le fait d'ignorer les sagesses qu'il y a dans un mal, car sanctionner sa jambe, c'est un mal. Lakin, un mal qui a énormément de profit. Peut-être. Et Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et vous n'avez eu de science, de la science que très peu. Et vous n'avez eu de la science que très peu. Et cette science, c'est pas toi qui l'as obtenue. Allah te l'a accordé. C'est pour ça qu'Allah a dit وَمَا أُوتِيتُمْ. C'est Allah qui t'a donné. Et on vous a donné de la science que très peu. Peut-être c'est plus juste comme traduction. Et on vous a donné de la science que très peu. On connaît très peu par rapport à tout ce qu'on ignore. Également ce point, je pense l'avoir abordé quand ils disent que l'existence du mal est une preuve, est un argument de l'inexistence de Dieu. Nous leur disons, soyez juste et équitable. Si la présence d'un mal qui est minoritaire dans notre monde, et bien évidemment quand ils parlent eux du mal, ils parlent du mal mondain. Ils parlent du mal mondain dans les affaires de mondaines des gens. La santé, la pauvreté, les maladies. Quand ils parlent du mal, donc ils vont parler des maladies, la pauvreté, les souffrances, les tristesses, les malheurs, les meurtres, les crimes. Et nous avons vu que ça, c'est minoritaire. Les gens qui sont en bonne santé sont beaucoup plus nombreux que les gens malades. Et les gens qui sont dans l'aisance sont beaucoup plus nombreux que les gens qui sont dans une grande nécessité. Les gens qui vivent dans des maisons ou dans des appartements qui ont des logements sont beaucoup plus nombreux que les gens sans logement, sans domicile fixe, les SDF, et ainsi de suite. Tu peux continuer jusqu'à ce que tu souhaites t'arrêter. Donc, si l'athée est juste, s'il s'appuie sur ce mal qui est minoritaire pour réfuter, renier l'existence de Dieu, donc pourquoi l'existence de ce mal, de ce bien, qui est majoritaire et qui est abondant, pourquoi ne serait-ce pas une preuve de l'existence de Dieu? C'est pour ça les athées, ils n'abordent jamais le problème du bien. Le problème du mal, comme on a vu, l'existence du mal voudrait dire forcément qu'il n'y a pas de Dieu. Pourquoi ils ne parlent pas du problème du bien? Pourquoi il y a le bien sur terre? Pourquoi il y a le bien dans notre monde? Ça ne doit pas être une preuve de l'existence de Dieu. Également, il faut savoir que la perfection de la conception ne veut pas dire que la perfection du concepteur n'implique pas toujours la perfection de la conception. La perfection du concepteur n'implique pas toujours la perfection de la conception. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous avons un concepteur qui fabrique une machine, peut-être qu'il ne va pas mettre certaines options qui vont être yani meilleures et qui vont rendre la machine meilleure pour certaines sagesses. Et ça ne veut pas dire forcément qu'il est imparfait. Car peut-être qu'il a délaissé ses options pour une sagesse. Donc, si la perfection du concepteur n'implique pas la perfection de la conception, alors comment le défaut dans la conception peut être une preuve de l'inexistence du fabricant et du concepteur? Elles sont où les raisons? On ne peut pas se baser sur un défaut dans la conception pour dire que le concepteur est imparfait. Comment on peut s'appuyer sur le défaut dans la conception pour dire qu'il est inexistant? Si, il y a un exemple, si tu entres dans un palais dans lequel tout est organisé à la perfection, avec des chambres bien organisées, un ordre à la perfection. Et dans ce palais, tu trouves une pièce dans laquelle il y a du désordre. Est-ce qu'il y a un homme doué de bon sens qui va dire que celui qui a construit le palais est imparfait? Est-ce qu'il va dire qu'il est imparfait? Encore moins, il va dire ce palais n'a pas de constructeur parce qu'il y a cette pièce avec ce défaut. Il n'y a aucun homme ayant un minimum de bon sens qui va dire cela. Et l'homme intelligent, quand il verra la perfection du palais, il verra que cette pièce elle est dans le désordre, il saura automatiquement qu'il y a une raison. Car un homme qui a construit un palais aussi parfait et dans lequel il y a une pièce avec un certain désordre, il n'y a pas de doute qu'il y a une raison derrière cela. Peut-être que c'est une chambre qu'il a gardée pour ses enfants, pour qu'ils jouent, ils s'amusent. Peut-être que c'est une chambre qu'il a gardée pour ranger ses affaires, yani, et pour stocker ses affaires. Prends un autre exemple. Si une entreprise, yani pour ne pas faire de publicité pour les entreprises de téléphone, lakin, une marque de téléphone, a conçu plusieurs modèles, des modèles toutes options. Et elle a fait un téléphone tout simple, qui permet de recevoir et de répondre aux appels. Ce qu'ils appellent ici Abou Keshef. Le tout petit téléphone. Est-ce qu'il y a un homme ayant toute sa raison qui va s'appuyer sur ce téléphone très simple pour dire que cette entreprise n'a pas la compétence? Cette entreprise n'a pas la compétence. Encore moins qu'il n'y a pas de fabricant pour ces téléphones parce qu'ils ont fabriqué ce téléphone très simple, qui n'est pas très sophistiqué comme les autres. Non, l'homme doué de bon sens va se dire qu'ils ont une gamme large de produits qui permet de couvrir les besoins de la clientèle, car il y a des clients qui veulent des téléphones tout simples. Il veut juste recevoir des appels et répondre. Et ça, c'est l'exemple de l'athée. Quand il voit un problème dans le monde, au lieu de chercher à connaître les sagesses, tout de suite, il dit « il n'y a pas de Dieu ». S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas eu ce problème, ce défaut dans le monde. Et ça, c'est une autre façon de voir la chose. On a commencé par voir qu'il n'y a pas de mal absolu. Tout ce que Allah fait, c'est ou bien un bien absolu ou un bien pour autrui. Le mal est minoritaire. Et aussi le mal a des sagesses. Il y a des sagesses derrière le mal que Allah décrète. Et ça, c'est, comme j'ai dit, c'est comme ça que raisonnent les athées. Ils s'appuient sur un exemple, ou deux, ou dix, ou même une centaine d'exemples dans ce monde, et ils oublient les millions et les milliards de perfectionnements. Ils s'appuient sur un minimum de déficience selon eux, et ils oublient les milliards et les milliards de perfectionnement dans la création d'Allah. Et ensuite, ils disent que le monde n'a pas de créateur. Et en réalité, ça, c'est à cause du suivi de la passion. À cause du suivi de la passion. Car l'existence d'une défaillance ou d'une déficience n'implique pas qu'il n'y a pas de sagesse en cela. Et le défaut qu'il puisse y avoir dans une conception n'implique pas le défaut dans le concepteur, encore moins l'inexistence du concepteur. Et Allah a choisi que cette vie soit ainsi, dans laquelle il y a beaucoup de bien, il y a peu de mal. Et il a des sagesses dans tout ça. Comme il a choisi, comme j'ai dit tout à l'heure, que dans l'au-delà, il y a une demeure dans laquelle il y a le bien absolu, dans laquelle il n'y a aucune forme de mal. C'est le paradis. Et il y a également une demeure dans laquelle il y a le mal absolu, dans laquelle il n'y a aucun bien. C'est l'enfer. Et même dans cela, il y a des sagesses. Encore, et encore, et encore. Je vais en citer une seule. Celui qui goûte certains parmi les plaisirs qu'il y a dans ce bas monde, ça va lui indiquer l'immensité de ce que Allah lui a réservé dans l'au-delà. Également celui qui goûte aux souffrances, aux tristesses, aux malheurs dans ce bas monde, ça lui indiquera également la gravité de ce qui attend celui qui désobéit à son Créateur dans l'au-delà. Peut-être que nous allons nous arrêter ici et nous continuerons demain avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Et à demain, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions, des points, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme ça, s'il y a des points que j'oublie ou qui sont importants à voir ensemble, comme ça, inshallah, je les préparerai. Barakallahu fikum. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.